Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler de golf avec notre ami Serge Cloutier. C'est un des tournois majeurs, c'est le US Open. Salut Serge! Bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien, Serge, effectivement. Donc, c'est le US Open tout près de San Francisco. Évidemment, la deuxième ronde est commencée. Jusqu'à maintenant, c'est Justin Rose qui mène à moins 7. Ouais, Justin Rose qui a connu un excellent début. Évidemment, il y a deux rondes de fait. On va savoir qui va faire la coupure, qui ne la fera pas. Mais c'est un autre gros tournoi. Puis c'est toujours, normalement, le US Open est toujours le tournoi le plus difficile pour le pointage. Mais là, c'est pas tout à fait le cas. On a déjà vu -3 gagner le tournoi. Je ne dis pas là, que Justin Rose gagnera pas -10 ou un autre, là. Mais c'est loin d'être terminé parce que lui, au moins, il rentre au chalet, puis il a deux bonnes rondes de jouer. Alors, il est -7. Mais il y en a d'autres qui ont commencé beaucoup plus tard avec le décalage horaire. Puis eux autres, on va regarder qu'est-ce qu'ils vont faire des McIlroy, puis ainsi de suite. Okay. Si on regarde Koepka, qui a gagné les deux derniers US Open, il est à -4. Ouais. Donc, à 3 coups de la tête, là, c'est loin d'être impossible à avoir. Ça va être vraiment intéressant à partir de demain, là, parce que ça va être la coupure qui devrait être aux alentours de +1. Okay. Alors, il y a des golfeurs qui vont jouer +2, +3, qu'on connaît. Puis malheureusement, ils ne seront pas là pour la fin de semaine. OK. Évidemment, quel genre de terrain que c'est, hein? Bien, c'est un terrain qui n'est pas tellement long. OK. C'est un terrain où l'herbe longue est épouvantable, des 2 à 3 pouces. Alors, quand les gars manquent l'allée, là, bien, ils se retrouvent dans l'herbe longue. Tu ne peux pas sortir de là avec des coups de longue distance. Alors, tu sacrifies bien souvent. Et il y a tellement de falaises sur le bord de l'eau. Alors, c'est un terrain où tu peux pas faire d'erreur. Okay. Alors, c'est pour ça que les meilleurs là, sont capables de bien jouer, mais ils peuvent arriver avec un trou, faire un triple bogey, comme on dit, et là, ça vient de les sortir du tournoi. Alors, okay. C'est pour ça que ça va être intéressant à suivre toute la fin de semaine. Dis-moi, Tiger? Tiger -2. Ouais. Tiger, il est bon. 37e, je pense, c'est ça? Il serait. Oui, il va faire la cote, Tiger, parce qu'il est en bas de la normale. Okay. Mais il n'est pas souriant. Je vais dire que c'est pas. Tu sais, Tiger Woods, habituellement, il a l'air, excuse-moi l'expression, des fois, il a l'air bête, là. Ouais. Mais dans ce tournoi-là, là, il a gagné le premier majeur de la saison, on le sait. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'en gagner un autre? J'ai des doutes, mais c'est un bon golfeur. C'est encore parmi la crème des golfeurs. Okay. Mais je le regardais jouer là aujourd'hui, là, puis il sourit pas, il a pas l'air dans son assiette. Puis les verres sont difficiles. C'est là que ça se gagne un tournoi. Okay. Parce que tous les gars peuvent frapper 300 verges. Sauf que si tu potes pas, comme on dit au golf, tu gagneras jamais. Alors, Tiger, c'est pas pire, mais pas plus que ça. Alors, peut-être que s'il fait la... Il va jouer en fin de semaine. Alors, il va faire la coupure, ça c'est correct. Mais de là à gagner, j'ai des gros doutes. Est-ce qu'il y a un Canadien qui est là? Est-ce que... Non, il n'y a pas de Canadien. OK. Dans les meilleurs joueurs qui sont là, il n'y en a pas. Puis on n'a pas de Canadiens de haute qualité, là. Mm. Alors, c'est des gars qui peuvent tirer leur épingle du jeu, gagner un peu d'argent, mais de là à gagner des tournois. Les meilleurs, c'est des Européens ou encore des Américains. Ça, c'est parmi la crème des golfeurs. Okay. Serge, on s'en parle vendredi, lundi plutôt, sur le US Open. Ben oui, on va avoir toutes les réponses à ce moment-là. OK. Notre ami Serge Cloutier qui nous parlait du US Open, qui va jouer jusqu'à dimanche soir.